Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 12. De la science acquise de l'âme du Christ. Étendue de cette science. Explication de ces mots, il croissait en sagesse, en âge et en grâce. Le Christ n'a rien appris des hommes ni des anges. 1. Le Christ connaissait-il tout par sa science acquise? L'âme du Christ n'était point imparfaite, de même qu'elle connaissait par sa science infuse toutes les choses à l'égard desquelles l'intellect patient est en puissance d'une manière quelconque. Elle connaissait aussi par sa science acquise tout ce que l'intellect agent peut faire connaître. Note. Le Christ n'a pas tout expérimenté, mais, par le moyen des choses dont il a fait l'expérience, il a pu connaître les autres, en découvrant les effets par les causes et les causes par les effets, le semblable par le semblable et les contraires par les contraires, en voyant, par exemple, les corps célestes, son âme a pu comprendre, par la puissance supérieure de sa raison, jusqu'où s'étend leur vertu. Du reste, la science acquise du Christ n'a pas dû franchir les limites au-delà desquelles la nôtre n'est plus possible. Il n'a connu, par elle, ni la nature des substances séparées de la matière, ni toutes les particularités du passé, du présent ou de l'avenir, dont il avait cependant la connaissance par sa science innée ou infuse. Fin de la note. 2. Le Christ a-t-il fait des progrès dans la science acquise? Nous lisons dans l'Évangile, Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. À mesure qu'il avançait en âge, ses œuvres manifestaient une science plus étendue et une grâce plus abondante. De cette manière, il progressait en science, en grâce et en âge. Quant à la science considérée comme habitude de l'âme, il faut poser en principe qu'ayant reçu avec plénitude, dès le commencement, la science infuse et la science bienheureuse, il n'a fait aucun progrès dans ces deux sciences. Si donc, comme quelques-uns le pensent, il n'y avait pas dans son âme une science acquise indépendamment de la science infuse, il faudrait dire qu'aucune science ne s'y est accrue. Mais, parce qu'il est vraisemblable que son âme n'a été privée d'aucune action propre à la nature humaine, et que celle d'abstraire les espèces intelligibles des images sensibles et naturelles à notre intellect agent, il convient de lui attribuer aussi une telle opération. Il a eu dès lors une habitude de science acquise, qui a pu s'accroître au moyen de l'abstraction des espèces intelligibles, par cela même que son intellect agent, après avoir tiré des images sensibles les premières espèces intelligibles, en pouvait abstraire de nouvelles, puis d'autres encore. Note. Ces paroles, Jésus croissait en science et en âge, peuvent donc être entendues de sa science acquise, qui, non complète dès le commencement, se développa avec l'âge et avec les facultés de son âme, bien que, proportionnellement à son âge, elle ait toujours été parfaite. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il appris quelque chose des hommes? Isaïe disait, 55, 4, je l'ai donné pour guide et pour précepteur aux nations. Un précepteur enseigne et n'est pas enseigné. Nous avons vu que le Christ a été établi chef de l'Église, et même de tous les hommes, s'il en est ainsi, tous doivent en recevoir la grâce et la vérité. « Je suis né, disait-il lui-même, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, 37. De là il est aisé de conclure qu'il ne devait pas être instruit par les hommes. Note. Si, Dans le temple, il interrogeait les docteurs, c'était pour instruire le public au moyen de ces questions. Aussi l'évangile ajoute-t-il, tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de sa sagesse et de ses réponses. Luc 2, 47. Sa science expérimentale s'est accrue, mais il convenait mieux à sa dignité de la puiser dans le spectacle du monde visible, où se reflète la sagesse divine, que dans les instructions des hommes. Fin de la note. 4. Le Christ a-t-il appris quelque chose des anges? Une double connaissance contribue à perfectionner l'âme humaine, celle qu'elle reçoit des objets sensibles, et celle qui lui arrive par l'illumination des êtres spirituels. Sous ces deux rapports, l'âme du Christ était parfaite. Par sa science expérimentale, qui ne réclamait pas l'illumination angélique, elle l'était du côté des objets sensibles, par sa science infuse, qu'elle tenait immédiatement du Verbe de Dieu, elle l'était du côté des influences supérieures. Elle ne prit rien des anges, ceux-ci, au contraire, reçurent, dès le principe, la science des choses par l'action du Verbe. Note. Dieu voulait, dans l'appui que l'ange vint offrir au Christ agonisant, nous montrer la nature humaine avec toutes ses défaillances, et établir d'une manière inébranlable le dogme de l'incarnation. Nous y trouvons, dit Bède, un enseignement sur les deux natures du Christ, les anges viennent servir l'une, et fortifier l'autre. Comme créateur, le Christ n'avait pas besoin du secours de la créature, comme homme, il a voulu être triste pour nous, et être consolé également pour nous. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.